Planète Rap. Gros dédicace à mon gars DJ R, le reste dans la maison. DJ R. Yes, DJ R. C'est bon. Y'a pas longtemps, je me levais tôt sur le raté, 11h40 pétante avec Bandito, midi sacoche remplie. J'annonce la météo, BX en partie X, j'suis dans la vidéo. Izaguruma, Katakuruma, c'est que du judo. Le département d'un gueudro dans mon dos. Les bicrateurs d'Elysée, ça le commando, le machin sous le manteau. Ça débloque ta conso. Tiens, écoute mon son, fais-nous pas voir tes sales comportements. Tout au fond du checkson, ça touche à 17 balles, j'ai d'autres combinaisons. C'est la Sinaloa, ça rentre dans ta maison. Le vieil est chaud, il a pas 14 ans. Ferme ta gueule ici, c'est important, la rue c'est la légion. C'est pas des séances de studio, trois heures de session. C'est les arrestations, on est sur compassion. Une fois dehors, on veut s'embourgeoiser. Base, partir, y'a ferme ta chatte et achète. C'est l'OPJ et deux, trois putes qui planifient ma chute. Suce des pites et fais des hits, enfoirés dans Pachi. Cheveux courts, cheveux longs, papachi. J'ai le fait qu'à Chambly, la rue à Shanghai. Poisson les égailles, Gourcelles, j'ai régal. Algérie, Maroc, Mali, Sénégal. Villa Blagarenne, hôtel illégal. L'argent de ta chatte, c'est devenu de l'argent sale. J'mets du bis, j'vais pas les followers, j'vends pas les coups du buzz. La serveuse est nerveuse, la folie est vénéneuse et vénézuélienne. La région parisienne, c'est eux qui nous précèdent, ça vient bien des Hauts-de-Seine. J'vais à Rogotelguerre, j'vais lâcher Guéchéguerre. Allez pas qu'à Chéguerre, pas qu'à Robita, les cimetières. Client clean dissimère, même sur la civière. Non, malsain. Tout en train de sabrière, producteur c'est malsain. Manager c'est malsain. Midi malsain. Sabrière, bout en train. Sabrière, bout en train. Bonne enfoirée, Soares, Marès, Rames. Bonne enfoirée, bonne enfoirée. Voilà, vraiment, ouais. Gros délicat à mon gars, Zoy, malsain, on est ensemble. Merci, mon rêve. C'est léger. Les bacs, je le reste dans la maison. Gros délicat dans les bacs. Faudé, gros délicat à Faudé, solo. Macan, délicat à tous mes gars. Biggie, tout le monde est là, de toute façon, c'est léger. Le reste sous les Torres, merci, mon rêve. Tu régales, c'est bon. Zepec dans la maison, Bandito, c'est léger. L'album dans les bacs. Baseline par le temps. Matt les lives exclusifs de Planet Rap en t'abonnant maintenant sur la chaîne de Skyrock.